هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، أو جان، فبسرور غير متخاف عنكم سوف ندخل في هذا اليوم في دراسة عالية، دراسة نافعة، دراسة مباركة، دراسة عظيمة. C'est avec un plaisir non dissimulé qu'on se réjouit qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ait permis en ce jour de commencer un nouveau cours dont les fruits sont élevés et dont l'enseignement est on ne peut plus important. فنحمد الله عز وجل على ذلك، فهو الذي يهدي من يريد إلى سواء السبيل. Donc on remercie Allah et on le loue, car c'est lui qui guide qui il veut vers le droit chemin. من يهديه الله فلا مضل له. Celui que Allah guide, nul ne peut l'égarer. Celui que Allah guide, nul ne peut l'égarer. Et celui qu'Allah égare, nul ne peut le guider. فالهدايه الى مثل هذه المجالس المباركه فضل محض من الله عز وجل، ما منا احد يستحقه، انما فضل من الله عز وجل واحسان منه. Et donc la guidée d'Allah عز وجل vers ce genre de cours, vers ce genre d'assises, c'est un bienfait qui vient d'Allah purement et simplement. Aucune personne dans l'assise et aucune personne d'entre nous ne méritait ce bienfait d'Allah Azza wa Jalla. C'est Allah Azza wa Jalla qui l'a accordé à qui il veut et de par une bonté et une bienfaisance de sa part. فَإِذَا أَعْطَى أَعْطَى بِفَضْلٍ وَإِحْسَانٍ وَإِذَا عَاقَبَ وَعَذَّبَ عَذَّبَ بِعَدْلٍ عَاقَبَ بِعَدْلٍ. Et si Allah, donc si Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne un quelconque bienfait, sachez mes frères que c'est par une bienfaisance de sa part et une bonté. Et si jamais il nous châtie ou il nous réprimande sur une chose, sachez que c'est avec la plus grande justice. C'est avec la plus grande justice. فنحمدالله عز وجل. فكما وعدتكم سوف ندخل في هذا اليوم في درسين. Comme promis, on va rentrer en ce jour dans deux nouveaux cours. الدرس الأول متعلق بكتاب النافع وكتاب مهم للعوام وللخواص لطلاب العلم والعلماء لا يستغني أو لا يستغني عنه أحد. Donc le premier livre, c'est un livre très important, tout comme le deuxième. Mais le premier, il est très important, c'est un livre que, dont ne peut se passer n'importe qui parmi les commandes de la masse, ainsi que n'importe qui parmi les étudiants en sciences, voire même les savants. Et ce n'est autre que le livre du noble cheikh Abu Abdullah Muhammad ibn Saleh Al-Uthaymeen, Qawa'id Al-Muthla. Le livre de cheikh Al-Uthaymeen, Qawa'id Al-Muthla. Wa nahnu qad taqaddamna aw taqaddama ma'ana fi ba'd al-majalis fi Ramadan shay'un 'an tarjimat hadha al-imam. Et nous, on a déjà pris précédemment dans un de nos cours que nous donnions pendant le mois de Ramadan, la biographie complète ou plus ou moins résumée de Cheikh Al-Uthaymeen. Donc on n'aura pas besoin de réévoquer les choses qui ont été dites. Celui qui veut retrouver ses paroles, il a les enregistrements qui sont présents chez certains frères. Tout de même, on rappelle quand même que Cheikh Al-Uthaymeen, il fait partie des grands savants de notre époque. Et c'est important de connaître qui sont les savants de la Oumma, qui sont les savants de la communauté. Car avec la connaissance des savants, on obtient une part de la guidée. On obtient une part de la guidée. Pourquoi? Parce que les savants, en vérité, ils sont le lien entre nous et Allah Azza wa Jal. Ils sont le lien entre nous et Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire c'est eux qui vont nous faire comprendre les choses qu'on ignore ou les choses que l'on ne comprend pas. Fas'alu ahla dhikra aw ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Allah subhanahu wa ta'ala dit: demandez aux gens du savoir, aux gens du rappel, c'est-à-dire les savants. Demandez aux savants si toutefois vous n'avez pas de connaissance. Donc les savants sont les intermédiaires entre Allah Azza wa Jal et entre la communauté. Donc il est important de connaître les savants de la communauté. Et parmi les savants de la communauté, les grands savants, il y a ce noble cheikh Muhammad ibn Saleh Al-Uthaymeen. Et à notre époque, on peut dire qu'il y a eu quatre grands imams, dont l'honorabilité a été reconnue par tous les savants de la Sunna, tous les savants de la Sunna du monde entier. Qui sont ces quatre imams? Cheikh Al-Albani, Cheikh Al-Albani, Mohammed ibn Nasr Al-Albani, Naam, alayhi rahmatullah, Cheikh Ibn Baz, Abdelaziz Ibn Baz, Mufti Diyar al-Mamlaka al-Arabiya, سابقا. Cheikh Al-Uthaymeen, الذي سوف نتطلع في كتابه. والشيخ مقبل Ibn Hadi al-Wadi. Donc ça, c'est les quatre grands savants de notre époque. Cheikh Al-Uthaymeen, Cheikh Al-Albani, Cheikh Ibn Baz et Cheikh Mokhbib Ibn Hadi. Les quatre, ils ont étudié en Arabie Saoudite. Cheikh Mokhbib, c'est un savant yéménite. Cheikh Al-Albani, c'est un savant d'origine albanaise, mais qui a grandi et passé la plupart de sa vie en Syrie. En Syrie. Donc il est considéré comme les savants du Sham, comme les savants de Syrie. Et les deux autres, Cheikh Ibn Baz et Cheikh Al-Uthaymeen, sont des savants d'Arabie Saoudite. Donc ce sont les grands savants de notre époque. Hatta wa kanu بعضهم لبعض يحترمون بعضهم بعضا. Et eux-mêmes, entre eux-mêmes, ils se respectaient d'un respect incroyable. D'un respect incroyable. Jusqu'à ce qu'il ait évoqué que lors du Hajj, comme vous savez, durant le Hajj, les savants, en général, les savants du monde entier, ils essaient de se rencontrer durant le Hajj, durant Mina. Et là, il y a une assise magnifique. Où a participé Cheikh Al-Albani, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Uthaymeen. Les trois font un majlis wahid. Ma ajmal al-majlis. Il n'y avait pas une meilleure assise que cette assise-là. Imaginez-vous, Cheikh Mughbil, Cheikh Ramada, Cheikh Al-Albani, ala jambihi Cheikh Ibn Baz, ou ala jambihi Cheikh Al-Uthaymeen. Celui qui dirige l'assise, c'est Cheikh Ibn Baz. C'est-à-dire, c'est à lui qu'on pose les questions. Si c'est une question dans l'aqida, dans le dogme, dans la croyance, dans le tawhid, c'est lui qui répond. Si c'est une question dans le hadith, il dit « Andurou ma'a Cheikh Al-Albani ». Il renvoie la question à Cheikh Al-Albani. Si c'est dans le fiqh, il renvoie la question à Cheikh Al-Uthaymeen. Ça, c'est dire l'ihtiram qu'ils avaient entre eux. D'ailleurs, ils disent qu'après cette assise-là, tout le monde attendait. Yani, déjà le temps de la salat du dhuhr est venu. C'est-à-dire tous les toulab. Et dans l'assise, que des toulab al-ilm. Mais quand on dit toulab al-ilm, machère, kibar, c'est-à-dire c'est des machères, c'est des savants qui sont devant ces grands savants. Parce qu'eux, c'est kibar ahl al-ilm. C'est-à-dire devant eux, ils ont les savants du monde entier. Et des prédicateurs du monde entier. Ça veut dire que tous, ils attendent. Dès qu'il y a eu la dalle, qui d'entre les trois va diriger la prière? Qui d'entre les trois va diriger la prière? Léanna, alladhi yataqaddam hana, a'lamhum. Donc tout le monde il attend qui c'est qui va diriger la prière. Et هذه المسألة تقدم إلى يعني إلى إلى الإمامة ما تقبل الهوى. ما تقبل الهوى والعواطف. Le fait de s'avancer dans cette position là, l'imam, c'est pas un truc où on fait des sentiments. Oh non, je le laisse parce que. Non. La hadawabat. C'est une position qui a des conditions. C'est pas n'importe qui s'avance. Et c'est pas n'importe qui doit s'avancer lorsque derrière lui, il y a plus élevé. Donc tous, ils attendent qui c'est qui va s'avancer. Cheikh Ibn Baz, il dit Yalla, ya Abu Abdelrahman, t'qaddam. Il dit à Cheikh Al-Albani, avance-toi, à toi de diriger la prière. Cheikh Al-Albani dit, là, et à Cheikh Hana. Il l'appelle Cheikh. Hein? Il dit, non, je ne m'avance pas, c'est à toi de diriger la prière. Cheikh Al-Albani dit, et Cheikh, anta a'lamu bi hadithi Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam min jami'ina. C'est toi le plus connaisseur du hadith du prophète alayhi salatu wa sallam. Amma al-Qur'an, nahnu kulluna nahfadu. Il dit, mais au sujet du Coran, on le mémorise tous ici, là. Tous dans l'assise. C'est-à-dire là, on passe à un autre stade. C'est-à-dire que si tout le monde y connaît le Coran, c'est qui doit passer? C'est lui qui est plus connaisseur du hadith du prophète, alayhi salatu wassalam. Fa'anta. Fa'taqaddama Cheikh Al-Albani. Taqaddama Cheikh Al-Albani. Wa mithla hadhihi al-qisas jadirun bil-inaya. Ce genre de petits récits, c'est bon de les évoquer pour vous montrer comment comment il y avait du respect entre eux, ces grands savants. D'ailleurs, vous connaissez peut-être l'histoire qu'il y a eu entre Cheikh Al-Albani et Cheikh Ibn Baz. Lorsque Cheikh Al-Albani, c'était quelqu'un qui aimait la vitesse. Et quand il allait à ses cours, il prenait sa voiture lui tout seul. Il conduisait sa voiture. Et il aimait la vitesse. C'est-à-dire qu'il roulait rapidement. Certains de ses élèves, ils sont montés avec lui, ils ont eu peur. Ils ont envoyé directement une question à Cheikh Ibn Baz. Hein, ils ont envoyé une question à Cheikh Ibn Baz. Est-ce que le fait d'aller, de rouler vite en voiture, c'est légiféré? Cheikh Ibn Baz, il prend la question avec importance. Fatwa. Il interdit le fait de rouler rapidement sur les routes. Fatwa. Avec Adilla, avec Dalil. La photo, elle arrive chez le chef Al-Albani. Qu'est-ce qu'il répond, Cheikh Al-Albani? Taban, Cheikh Al-Albani, il sait que Cheikh Ibn Baz, il est aveugle. Donc lui, il ne conduit pas, il est conduit. Donc Cheikh Al-Albani, il répond, il envoie une lettre à Cheikh Ibn Baz, où il répond à la photo de Cheikh Ibn Baz, il dit, هذه الفتوى فتوى من لا يذوق طعم القيادة. C'est la fatwa de quelqu'un qui n'a pas goûté à la jouissance de la conduite. Ça va? Il dit ça au sujet de Cheikh Ibn Baz, parce que Cheikh Ibn Baz, il est aveugle, donc il ne conduit pas. Il dit ça, c'est la fatwa de quelqu'un qui n'a pas goûté à la jouissance de la conduite. Qu'est-ce que je réponds, Cheikh Ibn Baz? Il dit, وهذه إجابة من لم يذوق طعم الدية. Il dit, et ça c'est la réponse de quelqu'un qui n'a pas goûté encore la sanction d'un accident. Tu vois, l'accident, en fait, quand tu fais un accident, tu blesses quelqu'un, tu as une sanction, tu dois payer tant et tant de dinars ou quoi, par rapport à s'il y a eu des morts ou pas. Donc, Cheikh Ibn Baz, il lui répond, il dit, ça c'est la réponse de quelqu'un qui n'a pas goûté la diya, qui n'a pas goûté le fruit de la sanction. Tout ça pour vous dire qu'il y avait un ihtiram entre eux. Ils se respectaient, ils se... et chacun se considérait en face de l'autre comme un petit. Fahawa nahnu, sauf à notre rôle, fille. Hadha kitab, le Cheikh Al-Uthaymeen. Donc nous, Inch'Allah, on va profiter de la science de un de ces trois savants, un de ces quatre savants, qui n'est autre que Cheikh Al-Uthaymeen, comme on l'a dit. Et donc on va lire dans son livre Qawaid al-Muthla. Il y a un livre édité et rédigé essentiellement au sujet des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jalla. C'est un très beau livre qu'il convient à tout un chacun parmi les musulmans de connaître ou de lire. Et pour que la faïda soit plus grande, on va profiter du charh que nous avait donné un de nos chers de mérite lorsque nous étudions au Yémen, le cheikh Saïd ibn Da'as al-Yafi'i. Allez, rahmatullah. Donc on va s'appuyer sur l'explication qu'a faite notre cher Saïd Ibn Da'as, rahimahullah. Donc c'est un des chers avec lequel on a le plus profité lorsqu'on était au Yémen. Et Mada, c'est un chir qui était connu dans le centre d'études dans lequel on était, à Damas. Il était connu de tous les toulabs pour être le chir du coin, après Shirayhir, le plus rigoureux sur la sunna. Tout ce qui concerne l'innovation ou quoi, si on avait un problème, on allait voir. Et c'est lui qui nous donnait les directives, ou qui accomplissait les réfutations aux gens de l'égarement et aux gens de l'innovation. Et malheureusement, comme vous le savez, avec les troubles qui se sont produits au Yémen depuis 2013, فراح كثير من الأفاضل. Bon nombre de gens du mérite ont disparu dans ce pays à cause, en premier lieu, de cette secte khabitha التي يقيدها الشياطين الإنس والجن. À cause de cette secte perverse qui est dirigée par le diable. Cette secte qui est dirigée par le diable, que ce soit le diable sous forme humaine ou les djinns. cette secte qu'on appelle les Rawafid. Les Rawafid qui n'ont eu de cesse de semer le trouble dans le pays jusqu'à ce qu'ils ont tué un grand nombre de Kuffar, ils ont tué un grand nombre de mémorisateurs du Coran, un grand nombre de prédicateurs, de gens qui appellent la Sunna, comme notre frère Hamza, alayhi rahmatullah, et comme ce cheikh. Ce cheikh, dont on va profiter des enseignements, il a été lâchement abattu lors d'un contrôle inopiné sur la route. Et il était parti en da'wah. Hein? Il est parti pour Ramadan, comme c'était le cas à notre époque, à ce temps-là, chez Rihia, il envoyait des du'at, il envoyait des prédicateurs dans chaque coin reculé du Yémen, afin qu'ils appellent à Allah, ils appellent au Coran, ils appellent à la Sunna. Donc lui, il est parti, il est tombé sur un barrage qu'avaient monté les Houthiyin. Houthiyin, c'est pareil, c'est les Rafidah, c'est la même chose. Et lors de ce contrôle inopiné, le ton a monté entre les deux parties. Car Cheikh Saïd, min al-naw' alladhi la yaqbal al-thul. Cheikh Saïd, c'est un homme d'une fierté, avec une grande fierté. C'est quelqu'un qui n'acceptait pas pour lui l'humiliation. C'est-à-dire le ton, il est monté. Imaginez-vous, il est tout seul ou il est avec son frère. Il est tout seul, enfin il est avec son frère, ils n'ont pas d'armes. En face de lui, il y a des kalachnikovs, il y a des grenades, il y a... Malgré tout, le ton, il monte. Le ton, il monte parce que les Houthiyin, ils veulent l'embarquer dans un coin qu'il ne sait pas. Il s'est défendu comme il a pu. Et il a trouvé la mort, lui et son frère. Il a trouvé la mort le 5 de Shawwal. Le 5 de Shawwal, Am, 1444. Il y a 7 ans maintenant. À la coulée, c'est un cheikh que j'aimais pour Allah Azza wa Jal. Cheikh Yahya, lorsqu'il a entendu sa mort, il a présenté ses condoléances en public, c'est-à-dire pendant le cours. Imaginez-vous, on est 5000 élèves devant cheikh. Et lui, il nous dit, je vous lis la parole de Cheikh Yahya lorsqu'il a entendu la mort de Cheikh Saïd. Qala, Akhuna al-Sheikh Saïd ibn Da'as, Qutil al-Bariha, ala aidi fajrat al-Houthiyin. Fad'u lahu bil-Rahma wal-Maghfira, wa nasalullah azza wa jal, an yarfa' darajatah fil-Mahdiyin, wa an yakhlufahu fi ahlihi bi-khayr, wa an yusliha awlaadah. هو ممن أبلي في نصرة السنة بلاء حسن. شيخ يدي. Il nous annonce. Voilà, comme si je voyais la scène comme si elle était hier. Il nous annonce. Hier, Cheikh Saïd a été tué de par les Houthiyin. Après, il dit faites du'a, invoquez pour lui la miséricorde et le pardon. Et on demande à Allah qu'Allah l'élève en degré et qu'il le remplace auprès de sa famille par un bien et qu'il améliore la situation de ses enfants. Ouais. Ensuite, elle dit, certes, il fait partie des gens qui ont été éprouvés dans la défense de la Sunna. Pour la défense de la Sunna, ils ont été éprouvés d'une bonne épreuve. Et ensuite, elle dit, « Wa kutubuhu yu'tana biha, insha'Allah » وطباعتها وطباعتها أو طباعتها سواء المطبوعة أو غير المطبوعة فإنها كتب علم ما أقوى الحجج التي فيها. Donc après Cheikh il dit et on doit, j'aimerais que on ait une attention portée sur ces livres, les livres qu'il a écrits de sa main, qu'on essaie de les publier s'ils ne sont pas publiés, qu'on essaie de les imprimer s'ils ne sont pas imprimés. Et ceux qui sont déjà sortis, qui sont déjà imprimés, on essaye d'avoir une attention particulière, c'est-à-dire on essaye de les lire. Tout ça, ça fait partie, ça rentre dans ces hasanat al-jariyah. Ensuite, il dit, كتابته كتاب كتابات عالم. Les écrits de Cheikh Saïd, ça c'est Cheikh Yahya qui dit ça. Les écrits de Cheikh Saïd, ce sont des écrits de alim. Ce sont les écrits de savants. وَلَا يَقْنَعْ بِالضَّعْفِ فِي كِتَابَتِهِ. Et il n'avait pas pour habitude de se satisfaire d'une quelconque faiblesse dans ses écrits. Tout le temps, il cherchait à améliorer ses écrits et à améliorer ses ouvrages. Non. فعظم الله أجر السلفية والسلفيين فيه وهو إن شاء الله من الشهداء فيما نحسبه. Donc après il fait encore une dua pour lui et il nous dit qu'on espère, on espère qu'il fait partie des martyrs pour Allah Azza wa Jal. Donc c'est vraiment pour suivre aussi le conseil de notre cheikh Yahya, le fait de prendre en d'avoir une intention particulière pour les écrits de Cheikh Saïd, que là, je vais m'efforcer d'écouter tous ces audios, tous les audios où il a expliqué le livre de Cheikh Al-Uthaymeen, et je vais les écrire, et je vais vous les transmettre. Et vous allez voir, tout naturellement, que c'était fi'lan un alim. Il est jeune, hein, il est jeune, il est mort jeune. Il est mort, il avait peut-être 37 ans. Mais subhanallah ala ilm. Ils disent que quand il s'est marié avec son épouse, elle ou lui, ils ont vu un rêve. Le jour du mariage ou la nuit du mariage, la nuit de noces. Comme quoi dans le rêve, il lui disait, je dois rester avec toi 12 ans. Et il est resté avec sa femme 12 ans pile. Fumarah. Sallallahu alayhi wa sallam. Taïb, donc, Inch'Allah, on a fait. نقرا شيئا يسيرا فيما يتعلق بمقدمه الشيخ شيخ سعيد. طيب قال شيخنا سعيد عليه رحمه الله: اعلموا اخواني في الله ان علم اسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته من اشرف العلوم ومن اعظمها قدرا. وكيف لا يكون هذا العلم وهذا الفن من أشرف العلوم وهو يختص بالكلام على ذات الله عز وجل سبحانه وتعالى وعلى صفته التي هي في منتهى الكمال. ولهذا كان علم الأسماء والصفات من أشرف العلوم. Donc là, un cheikh te dit: sachez, mes frères, في الله, ô mes frères pour Allah, que la science des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que de ses attributs, fait partie des sciences les plus honorables et des sciences les plus valorisées. Et comment n'en serait-il pas ainsi alors que cette science et cette matière est spécifique aux paroles qui concerne l'être même d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que ses attributs qui ont atteint l'apogée de la perfection. Les attributs, c'est-à-dire les caractéristiques d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ont atteint l'apogée de la perfection. Et c'est pourquoi la science des noms et des attributs est la plus honorable des sciences. وشرف العلم إنما يكون بشرف المعلوم ولا ذات ولا شيء ولا ذات ولا شيئا أشرف وأعظم وأكمل من الله سبحانه وتعالى ذاتا وصفاتا. ولهذا كان علم الأسماء والصفات وبالأخص الذي هو جزء من علم العقيدة الصحيحة عقيدة السلف الصالح من العلوم التي لا ينبغي لطالب العلم بل لا ينبغي لمسلم أن يجهلها. Donc là, il nous dit, Cheikh Saïd, que l'honorabilité de la science, l'honorabilité d'une science ou d'une matière, est en fonction du sujet sur lequel elle porte. Tamam. Donc là, on va parler de l'être même d'Allah Azza wa Jal. Et donc, on comprend tout de suite qu'il n'y a pas plus parfait. Il n'y a pas plus parfait en termes d'être et de caractéristiques qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi, il dit Shir, c'est pourquoi la science des noms et des attributs fait partie des sciences du dogme, de l'aqidah. Et quand on parle de l'aqidah, on parle de la croyance, l'aqidah sahiha, la croyance authentique, la croyance des pieux prédécesseurs, les salaf, la croyance des pieux prédécesseurs qui sont les sahaba et ceux qui les ont suivis dans le droit chemin. Vous voyez, il dit que c'est pourquoi cette science fait partie des sciences dont il ne convient pas à un étudiant en sciences ou plus encore, il ne convient pas à un musulman d'ignorer. Il ne convient pas à un musulman ou à un étudiant en sciences d'ignorer ce genre de connaissances. وَالْوَاجِبْ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ هَذَا الْعِلْمِ نَصِيبًا تَصِحُ بِهِ عَقِيدَتُهُ وتستقيم به ويسلم من شبهات أهل الباطل ومن ضلالاتهم ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو القائل طلب العلم فريضة على كل مسلم. Ensuite il dit, il est obligatoire à chaque musulman, il est obligatoire à chaque musulman de prendre de cette science, c'est-à-dire la science des noms et des attributs, ce qui va lui permettre d'avoir une bonne croyance au sujet d'Allah Azza wa Jal. Et ce qui va lui permettre que sa croyance soit plus ou moins droite. Non. Et aussi ce qui va lui permettre de se préserver des shubuhat, des ambiguïtés des gens du faux, des gens du batil, ainsi que leur égarement. C'est pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit talab al-ilm faridatun ala kulli muslim. Le fait de rechercher la science, c'est une obligation pour tout musulman. Le fait de rechercher la science, c'est une obligation pour tout musulman. Ma hal al-hadith hadha ya Aba Zakari? La science est une obligation pour tous les musulmans. Quel est le jugement du hadith? Est-ce qu'il est authentique? Est-ce qu'il est dhaïf? Est-ce qu'il est mach? Allahu ta'ala a'lam. Dhaïf ou le ma'na sahih? Dhaïf ou le ma'na sahih? Non. Fa huwa ja'a min 'iddat turuq. Ce hadith là, comme le cheikh Saïd il va le dire, c'est un hadith qui n'est pas forcément authentique en soi. Il n'est pas authentique en soi. Mais il est venu de plusieurs chaînes de transmission qui se renforcent les unes aux autres. Donc, de par cela, on peut dire que le hadith, il est thabit. Le hadith, il est confirmé. Tamam? Même si tu prends une chaîne de transmission de ce hadith-là, tu vas trouver qu'il est dhaif. Mais en regroupant toutes ces chaînes de transmission, on trouve que le hadith est yaltaqi ila darajati al-hasan limana l'ghayr. Wa hasan, il est bon en fonction des chaînes de transmission qui le renforcent. Qala Cheikh Saïd, wa hadha al-hadith ja'a 'an 'adadin min as-sahaba radiyallahu 'anhuma radiyallahu 'anhum wa awrada turuquhu wa asanidahu وأسانده الحافظ ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله والحديث بمجموع طرقه وشواهده يصلح للاحتجاج. Donc là, Cheikh Saïd te dit que ce hadith il est venu d'un grand nombre de compagnons. Et il te dit que le Hafiz Ibn Abd al-Barr, l'imam Ibn Abd al-Barr, il a regroupé la totalité des chemins ou des chaînes de transmission de ce hadith. Et que lorsqu'on analyse la totalité ou le regroupement de ces chaînes de transmission, on comprend qu'on peut s'appuyer bel et bien sur ce genre de hadith, sur ce hadith. Taïb. Et donc, يجب على جميعنا أن نطلب العلم، نروح انت في اليمن وانت في مصر وانت في كذا وكذا يعني هكذا يطلب لما يستكين به دينه. ايوه نعم احسنت يا بعدي. طيب قال الشيخ سعيد لكن المقصود من هذه الفريضه التي عنها النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضه على كل مسلم كما بينه اهل العلم في ضابط ما تعلمه فرض عين على كل مسلم. Ensuite, Cheikh Saïd, donc il explique comment on doit comprendre ce hadith. Il dit, ce n'est pas le but. il dit plutôt, le but visé de ce hadith, c'est que le fait de rechercher la science, c'est obligatoire à tout musulman en ce qui concerne les connaissances qui vont lui permettre d'avoir une bonne religion, de suivre une bonne religion. Tout ce qui va lui permettre de faire en sorte que sa religion se tienne sur des piliers et des bases fermes et solides, alors ça devient obligatoire à chaque musulman d'acquérir ces connaissances-là. C'est même نعم. فما كان ثم قال والمقصود به ما لا يستقيم دين العبد عقيدة أو عبادة إلا به فما كان من العلم يتوقف عليه استقامة دين العبد عبادة وعقيدة فالقدر الذي يكفي منه واجب وهو المقصود في مثل هذا الحديث. نعم. Donc la chérie. Il explique encore que le but visé, lorsque le prophète alayhi salatu wa salam, il nous dit que l'apprentissage de la science est une obligation, c'est-à-dire le fait de connaître ou d'avoir les connaissances qui vont nous permettre d'avoir une croyance conforme à ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé et d'avoir une adoration conforme. Un exemple, le fait de connaître les ablutions. C'est de savoir faire les ablutions. Est-ce que ça, c'est une connaissance qui est obligatoire à tout un chacun parmi les musulmans ou c'est seulement réservé à certains à l'exception d'autres? Ah, Bilal. C'est wajib ala kulli muslim. C'est une obligation pour toute personne. Pourquoi? Parce que là, il ne pourra pas faire son adoration comme il se doit. Comme il se doit. Il ne pourra pas faire la prière comme il se doit parce qu'il ne sait pas faire les ablutions. Pareil, le fait d'apprendre la prière. Taïr. Al-Hajj. Le fait d'apprendre le Hajj. Est-ce que c'est obligatoire? Le fait d'apprendre la manière dont tu fais le Hajj. Est-ce que c'est obligatoire pour tous les musulmans? Hein, Ibrahim? Non, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire pour tous les musulmans? Ah. Vous êtes sûr? Hein? Ah. C'est pas obligatoire. Ça devient obligatoire d'apprendre les règles du Hajj pour la personne qui a la capacité de le faire. Pour la personne qui a la capacité et qui s'apprête à y aller, lui, ça lui est obligatoire d'apprendre comment faire le Hajj. Mais celui qui n'a pas la capacité. Comme la femme, par exemple, la femme qui n'est pas mariée ou et qui a des parents plus ou moins besogneux, ils ne peuvent pas lui faire faire son hajj. Enfin, elle n'est pas dans une obligation absolue d'apprendre les règles du hajj parce qu'elle n'est pas concernée par cela. Non. À la kulli hal, ça va être un charh. On ne peut plus jamais dire, Juan. On l'a placé le dimanche pour que la plupart des frères y profitent de ce cours. Ça veut dire qu'on aura les fawaid de Cheikh Al-Uthaymeen. Wama adrakum man huwa Cheikh Al-Uthaymeen. Plus les fawaid de Cheikh Saïd ibn Da'as. Wallah ya Juan, anna hada Cheikh law asha la kana imama عصره ما كان عمام عصره لشدة ثباته على الحق. نعم، و إن شاء الله نكتفي بهذا القدر في هذا الدرس.